Alors, en choisissant d'intituler ma communication Madame de maintenant professeur de stylistique, j'ai conscience de la gêne que nous avons encore à féminiser le terme de professeur. Gêne qui peut peut-être ici souligner également le paradoxe qu'il y a à qualifier une femme du XVIIe siècle de ce titre. Alors que le courant de l'honnêteté auquel s'identifie parfaitement Madame de Maintenon, on vient de le voir, refuse toute pédanterie, tout air de professeur et rejette encore davantage la science féminine, il peut sembler problématique d'attribuer ce titre à une femme du monde. Cependant, cette autorité de professeur s'exerce à travers un commerce épistolaire qui, au lieu de supposer une autorité d'auteur préétablie, négocie dans chaque lettre la place de l'épistolière et finalement son ascendant sur ses destinataires. Comme elle l'écrit à Madame de Montfort, Madame de Maintenon ne souhaite pas user d'un pouvoir inhérent à sa position sociale. Je ne veux point vous gouverner avec autorité, mais avec raison et amitié. Elle ne veut donc pas qu'on l'écoute en vertu de sa position dominante, mais parce qu'elle possède des compétences et des qualités qu'un interlocuteur rationnel lui reconnaît. De fait, Madame de Maintenon demeure ici une femme laïque qui se permet pourtant de diriger spirituellement une sœur et qui dirige également un établissement scolaire qui est pourtant devenu un couvent en 1692. Pour légitimer sa prise de parole et son ascendant sur ses destinataires, Madame de Maintenon construit donc dans chaque lettre de conseil ou de réprimande un éthos qui assoit son autorité en révélant ses capacités. Or, Furetière, je vous ai mis ici sa définition de l'autorité, définit l'autorité comme un droit, le droit qu'on a de commander et de se faire obéir. C'est cette approche fondée sur le droit, cette approche de l'autorité fondée sur le droit, que refuse Madame de Maintenon. Elle souhaite donc qu'on lui reconnaisse une autorité en fonction des qualités qu'elle possède. Pour exercer son autorité sur ses correspondants, elle emploie différentes stratégies, allant de la mise en avant de son amitié à l'affirmation d'aptitude particulière. Cette affirmation d'aptitude particulière est une stratégie qu'on retrouve souvent chez les femmes éducatrices du XVIIe siècle, qui préfèrent mettre en avant leurs compétences plutôt que leur personnalité morale pour justifier leurs écrits, comme le montre Colette Wynne. Alors, si l'on oublie ici l'omniprésent talent pour l'éducation de Madame de Maintenon, qui est la première des justifications qu'elle met en avant pour étayer ses conseils, on pourra s'intéresser à la revendication d'une autre aptitude dans sa correspondance, celle de son habileté épistolaire. L'ensemble des remarques de Madame de Maintenon qui souligne son talent d'épistolière pourrait se lire comme la construction à l'échelle de sa correspondance d'un éthos de femme de lettres exerçant l'autorité qui en découle sur des destinataires moins habiles dans l'art d'écrire. Je vais essayer de vous montrer que les leçons d'écriture de la marquise ont une large portée qui vont de la graphie au style en passant par l'orthographe, que cette exigence à l'égard de la rédaction correspond à l'affirmation d'un éthos particulier chez elle, celui d'une femme noble, et que cet éthos lui offre l'autorité nécessaire pour guider ses correspondants. Maîtriser un style de femme du monde rompu à l'art de la conversation honnête lui permet de déployer une autorité paradoxale dont les effets peuvent être étudiés dans plusieurs cas, et notamment, je vais essayer de le faire, dans le cas de sa correspondance avec Charles-François des Montiers de Mérinville, qui est l'évêque de Chartres qui succède à Godet des Marais, qu'on a vu hier lors d'une communication. Alors tout d'abord, la correspondance de Madame de Maintenon propose plusieurs leçons d'écriture. Puisque Madame de Maintenon transforme volontiers l'échange épistolaire en un espace de formation, sa correspondance avec les élèves de Saint-Cyr se révèle l'occasion de leur enseigner le bon usage épistolaire. On le voit par exemple dans cette lettre qu'elle a adressée aux demoiselles de la classe bleue, c'est-à-dire aux demoiselles les plus âgées. « La lettre que vous m'avez écrite est parfaite, soit pour le caractère, l'orthographe et le style. Il est simple et net, il n'y a rien d'inutile, et on ne peut en être plus contente que je le suis. J'ai de grandes espérances que je le serai sur des endroits plus essentiels. » Sont mentionnés ici les différents points que l'épistolière corrige également dans ses échanges avec des adultes. Le caractère, c'est-à-dire la graphie, et on a vu hier des exemples de la belle graphie de Madame de Maintenon. L'orthographe et le style qui doit être, je cite, « simple et net », autrement dit, pour résumer rapidement, « attique ». Madame de Maintenon se mue notamment en correctrice avec ses correspondantes religieuses, Par exemple, ici, dans une lettre adressée à Mademoiselle de Buterie, qui est pour l'instant demoiselle séculière de Saint-Cyr et qui va bientôt devenir dame de Saint-Louis. Quand vous m'écrivez, mettez un peu plus d'intervalle dans vos lignes afin que je puisse corriger l'orthographe les jours que j'en aurai le loisir. Mais la meilleure manière de l'apprendre serait de copier des livres. Votre caractère est très beau et je vois avec plaisir qu'il y a plusieurs novices qui écrivent fort bien. Je m'en vais tâcher de corriger votre lettre, mais je ne finirai pas la mienne sans vous assurer de mon estime et de mon amitié. » Et deux lignes rajoutées à la fin viennent commenter sa propre correction. « Prenez bien garde à tout ce qui est différent de ce que j'ai corrigé, à ce que vous avez écrit, car tout y est pour le mieux. » Cette lettre nous montre la façon dont la marquise rend acceptable ses corrections. Les deux dernières lignes établissent une autorité que manifeste l'emploi du mode impératif, légitimée par l'assurance de la marquise sur ses compétences. Sa correction est complète, il n'y a plus aucune faute, tout y est pour le mieux, Mademoiselle de Buterie peut s'en servir pour s'améliorer. Ici, les conseils et corrections de Madame de Maintenon se trouvent donc fondés sur sa maîtrise du français. Elle a proposé également le même type de correspondance-exercice à Madame du Pérou, comme en témoigne cette lettre, où, pour une fois, elle n'a pas le temps de corriger sa correspondance. Sa correspondante. « Je n'ai pas le temps de corriger votre orthographe, vous y avez tant profité depuis quelque temps que vous la saurez bientôt parfaitement. » Elle propose le même enseignement épistolaire de l'orthographe et du bon style dans les lettres à Madame de la Vieilleville, qui est une ancienne demoiselle de Saint-Cyr devenue abbesse. « Au reste, ma chère abbesse, vous écrivez à merveille et votre orthographe serait parfaite si vous vouliez distinguer le masculin et le féminin. » Madame de la Vieilleville a encore des problèmes d'accord. En somme, l'abbesse écrit très bien, elle possède une belle graphie, un bon style, mais il lui reste des progrès à faire en matière d'orthographe. Et c'est un travers qui, selon Madame de Maintenon, est assez courant dans les écrits des femmes. En tout cas, c'est ce qu'elle dit dans cette lettre à l'abbé Gobelin du 20 avril 1686. Et je me rends compte que la référence à la Bruyère en dessous a été coupée, je vous prie de m'en excuser. Alors, pour ce qui est de la lettre à Gobelin, songez bien à nos affaires. Voyez ces messieurs, il s'agit des pères lazaristes qui sont en charge du spirituel à Saint-Cyr. Achevez nos constitutions, ce sont les constitutions de l'école, mais ne pensez pas, par la pureté du langage, gâter les pensées et les expressions de Madame de Brinon. Vous savez que, dans tout ce que les femmes écrivent, il y a toujours 1000 fautes contre la grammaire, mais, avec votre permission, il y a un agrément qui est très rare dans les écrits des hommes. Donc Madame de Maintenon reprend ici, apparemment, le cliché selon lequel les femmes écriraient plus agréablement mais sans règles, qu'on retrouve par exemple chez La Bruyère qui dit que les femmes auraient une écriture parfaite si elles étaient toujours correctes. Et de fait, l'éducation des femmes au XVIIe siècle, qui est souvent courte, décousue, ou entrecoupée de périodes où elles sont sorties des couvents, et on vient de le voir, Madame de Maintenon va 6 mois à un couvent, elle en sort, elle y retourne. Donc leur éducation, souvent, n'est pas aboutie, n'est pas poussée très loin, ce qui les amène à une maîtrise parfois moins forte de l'orthographe que les hommes. Et on le voit même ici, de façon assez surprenante, chez Madame de la Vieilleville, qui est pourtant une ancienne demoiselle de Saint-Cyr, donc qui, elle, a eu une éducation longue et continue, mais qui continue à mettre assez mal l'orthographe, pour citer Madame de Maintenon. Pour autant, comme on vient de le voir, cela ne signifie pas pour la marquise que Madame de la Vieilleville écrive mal. Elle a un beau style, même si elle ne maîtrise pas bien l'orthographe. C'est également le cas de Madame de Dangeau, qui, elle, a des excuses pour ne pas maîtriser l'orthographe, puisqu'elle est d'origine germanique, mais qui, selon Madame de Maintenon, a vraiment une écriture des plus fantaisistes. Alors, je m'excuse, on a déjà vu cette citation hier avec Marine Roussillon, je la répète. « Je voudrais, madame, vous avoir aussi bien stylée sur l'orthographe que sur le catéchisme. Nous n'aurions pas été aussi embarrassés que nous l'avons été, mesdames de Quélu, de Lévy et moi, à déchiffrer votre lettre. Cependant, je suis contrainte d'avouer que cette manière de la lire n'a pu la gâter. » J'ai chargé la petite nièce de répondre à tout ce qu'il y a de spirituel, me réservant ce qu'il y a de plus sérieux. Ce à quoi Madame de Dangeau répondra, manifestant son esprit, je cite, qu'il faudra qu'elle fasse copier ses lettres par un sorcier pour qu'on puisse la comprendre. L'esprit de cette correspondante, le plaisir causé par la lecture de ses lettres, ne sont donc jamais mis en cause par Madame de Maintenon, prouvant que le style endosse chez elle une importance primordiale. Par ailleurs, En assumant le rôle de juge de l'orthographe de ses correspondantes, Madame de Maintenon montre bien que certaines femmes connaissent et appliquent les règles de l'orthographe et du français. Elle ne considère pas, par exemple, les hommes d'église comme de réelles autorités en la matière. Peu après la lettre que je vous avais montrée adressée à l'abbé Gobelin, où elle lui disait de ne pas déformer les belles expressions de Madame de Brinon, qui est la cofondatrice de Saint-Cyr, tout en concédant que les femmes font bien des fautes, elle écrit au contraire. Ah, c'est la citation qui est en bas, voilà. Elle écrit au contraire à Madame de Brinon : Vous n'aurez pas vos constitutions aujourd'hui. Monsieur Racine et Monsieur Despréaux les lisent, les admirent et corrigent les défauts de langage et d'orthographe que ces messieurs ou leurs copistes ont fort augmenté. En ajoutant des éléments de doctrine, les hommes d'église ont donc accru non seulement les défauts de langage, de style du texte établi par Madame de Brinon, comme l'avait prévu la marquise, mais aussi les fautes d'orthographe. Pour Madame de Maintenon, il paraît donc clair que certaines femmes, particulièrement les femmes qui ont quelque expérience du monde, et même si Madame de Brinon est une religieuse, c'est une religieuse relativement mondaine qui connaît bien les usages de la société. Donc il paraît clair que ces femmes qui se sont formées dans le monde possèdent des capacités stylistiques nécessaires pour juger avec autorité de certains écrits. Et de fait, pour ces femmes, avoir du style, c'est manifester un éthos noble et manifester à travers sa façon d'écrire une certaine dignité sociale. Comme nous venons de le voir, le style importe beaucoup à la marquise, qui s'estime particulièrement à même de commenter et corriger celui de ses correspondants. Ce style apprécié par Madame de Maintenon est, je cite, « simple et net », c'est-à-dire qu'il ambitionne un tour aisé qui ne dévoile pas les efforts fournis à son destinataire, un style en somme qui travaille à ne pas se faire remarquer, qui, comme l'honnête homme, ne se pique de rien, pour reprendre l'expression de La Rochefoucauld. Elle explique par exemple au neveu de Madame de Glapion, qui vient juste de sortir du séminaire et qui ne sait pas encore se conduire en société, quel style adopter. Je crois votre lettre très exacte dans toutes les règles, mais je l'aurais voulu plus simple écrivant à une femme. Votre bon cœur est pressé de reconnaissance et d'amitié pour moi. Il faut le dire, sans chercher des termes extraordinaires et des expressions plus propres pour une déclamation que pour une lettre. Savoir s'exprimer convenablement, sans tournure laborieuse ou pédante, caractérise le style de l'honnête homme et de l'honnête femme. C'est pourquoi, explique-t-elle, on doit pousser plus loin l'éducation de demoiselle que celle de bourgeoise. Elle l'explique à Madame de la Mairie, qui est en charge d'un pensionnat qui, contrairement à Saint-Cyr, mélange différentes catégories sociales de jeunes filles, à la fois des jeunes filles de la noblesse, mais des jeunes filles également de parents bourgeois ou paysans qui sont suffisamment aisés pour payer une pension, mais sans pouvoir prétendre à la noblesse. La piété doit être égale, mais réglée selon l'état. L'artisan ne peut autant prier que celui qui n'a rien à faire. Il y a plusieurs endroits où je ne pousserai pas tant les unes que les autres. Il n'importe guère que les filles de basse naissance lisent aussi parfaitement que les demoiselles, qu'on leur donne une belle prononciation, qu'elles sachent ce que c'est qu'une période, etc. Il en est de même de l'écriture. Il suffit qu'elles sachent écrire pour faire leur mémoire et leur compte. Il ne faut pas leur apprendre à faire des lettres, ni parler de style, un peu d'orthographe leur suffit. Il n'en est pas de même de l'arithmétique, elle leur est nécessaire, instruisez vos bourgeoises en bourgeoises. Bien parler et bien écrire fait partie de l'éthos noble pour la marquise. Il importe que les jeunes demoiselles soient éduquées à écrire des lettres et à converser, afin de ne pas s'exposer au ridicule dans le monde. Mais cela ne présente aucune utilité pour des bourgeoises ou des paysannes. On comprend bien que Madame de Maintenon se soucie tant de ce que les demoiselles de Saint-Cyr parlent bien, il s'agit de ne pas déroger. En outre, mal s'exprimer révèle également qu'on ne sait pas se comporter dans le monde et expose au ridicule. Aussi la marquise veille-t-elle à ce que les religieuses de Saint-Cyr et celles des couvents où elle répand son modèle d'éducation évitent les travers qui pourraient résulter de leur coupure du monde et de ses usages. Elle les reprend si souvent sur les usages sociaux. Vos lettres à ces messieurs sont bien faites, mais il fallait mettre Monseigneur sur les paquets comme dans les lettres, écrit-elle à Madame du Pérou. Madame de la Mairie bénéficie du même genre de remarque. Ne dites jamais, et c'est entre guillemets, ce monsieur, c'est une très mauvaise façon de parler. De même, elle va envoyer des lettres modèles aux religieuses de Saint-Cyr pour leur montrer comment écrire et comment s'adresser à certaines personnes en particulier. Donc c'est le cas de deux modèles de lettres qu'elle envoie à Madame de Fontaine en 1691, un modèle de lettre pour une abbesse et un modèle de lettre pour inviter un prédicateur à l'occasion d'une profession, qui s'inscrivent tout à fait dans la fonction de Madame de Fontaine alors à Saint-Cyr, qui est inspectrice des classes et chargée à ce titre d'entretenir les relations, par exemple avec les abbesses des couvents où les demoiselles pourraient partir. Ces relations de Madame de Fontaine avec l'extérieur l'obligent à savoir bien écrire, à donner une bonne image de l'institution en maîtrisant l'art épistolaire. Dans ces occasions, Madame de Maintenon se comporte donc comme une autrice de secrétaire, ces manuels qui donnent à leurs lecteurs des exemples de lettres adaptées à diverses circonstances. Pour montrer en outre aux dames de Saint-Louis ce qu'elle attend d'elles, Madame de Maintenon compose les lettres qu'elle leur adresse dans le style qu'elle veut les voir embrasser en tant que religieuse. Certes, étant des femmes nobles, les dames de Saint-Louis doivent bien écrire. Cependant, elles ne doivent pas écrire comme des femmes du monde ou comme des mondaines. Elles doivent adopter un style de religieuse qui témoigne de leur vocation et qui se caractérise par une forme de dépouillement que Madame de Maintenon nomme « silence ». Il ne s'agit pas de ne rien dire, mais d'ôter à la lettre tout ce qui est superflu et qui relèverait de l'ornement. On le voit par exemple ici, ça va rester coupé malheureusement. Alors on le voit dans cette lettre, écrite à une maîtresse des classes. « Je suis très aise que vous soyez polie et respectueuse afin que vous l'appreniez à vos demoiselles qui seront assez malheureuses pour retourner dans le monde. Mais de vous à moi, usez-en toujours, je vous prie, avec une grande liberté et simplicité. Nous avons autant à travailler à Saint-Cyr pour devenir simple que les autres religieuses à se le rendre un peu moins, tant il est difficile de tenir le milieu, qui est pourtant où réside la perfection dans la plupart des choses. » Et elle fait suivre cette leçon d'un exemple en acte pour répondre donc tout simplement « Je me porte parfaitement bien. Je m'ennuierais fort d'être ici s'il ne fallait aimer à être où Dieu nous veut. Je suis loin de Saint-Cyr. Je ne vois point le roi. Il est depuis le matin jusqu'au soir à la revue. » La leçon est donc suivie ici d'un exemple, nous montrant que le style simple demandé par Madame de Maintenon est un style attique et même un style coupé, sans recherche de la moindre liaison ou ornement. Cet extrême dépouillement correspondant à des religieuses qui sont censées être mortes au monde. En somme, le style chez Madame de Maintenon est l'indice d'un statut social et correspond à une façon de vivre, qu'il s'agisse des compositions spirituelles d'une femme du monde, comme Madame de Dangeau, ou de l'écriture dépouillée que doit adopter une religieuse. Dans tous les états qu'elle peut embrasser, une femme doit donc manifester des compétences linguistiques afin de révéler rang social et distinction. Or, c'est à partir de son assurance en matière stylistique que Madame de Maintenon étend parfois son jugement à d'autres domaines. C'est du point de vue du style et de l'effet que doit produire un texte que la marquise se permet de faire des remarques aux hommes d'église sur les compositions, sur leurs compositions. On le voit par exemple dans une lettre adressée à l'abbé Gobelin qui parle d'une explication qu'il a rédigée qui est destinée aux demoiselles de Saint-Cyr. « J'ai lu l'explication de l'épître et de l'évangile que vous m'avez envoyée, que je trouve parfaitement bien. » On pourrait étendre un peu plus la morale et avec un peu plus d'un détail propre aux auditrices. Même genre de remarque à l'archevêque de Noailles, et là encore je m'excuse, c'est une citation que nous avons déjà vue hier. J'ai lu, Monseigneur, et relu votre mandement sur le jubilé. Je voulais marquer les endroits qui me toucheraient davantage, mais j'aurais tout marqué. Il me paraît pieux, instructif et plein d'onction. J'ai mis une croix au mot de débauche, qui est très bien placé, mais peut-être le trouvera-t-on grossier, car on est délicat. J'ai mis une autre croix à ce mot de naturel sur l'éloignement des sacrements, parce que je ne l'ai pas bien entendu. Mais j'espère, Monseigneur, que vous n'y aurez nul égard et que vous me saurez gré de mon obéissance. » Dans ces deux lettres, et peut-être particulièrement dans la dernière, Madame de Maintenon n'occupe pas vraiment sa place. Lors de ses échanges avec des hommes d'église, elle devrait demeurer en position de chrétienne soumise à leur autorité de docteur en théologie. Aussi prend-elle soin de distinguer le fond et la forme des textes qu'elle commente. Après avoir soigneusement loué le contenu de ces textes, elle se permet en tant que réceptrice d'en critiquer la forme. Il s'agit en général de l'adapter au public conseillé, qu'il s'agisse des demoiselles de Saint-Cyr pour l'explication de Gobelin, ou de la délicatesse de la cour et du roi pour l'archevêque de Noailles. C'est aussi en vertu de ses aptitudes de lectrice que que la marquise s'autorise à glisser parfois du commentaire stylistique à l'analyse de l'état de l'âme de celui et surtout de celle qui lui écrit. En incitant les dames de Saint-Louis à lui adresser des lettres dont elle étudie le style, Madame de Maintenon empiète finalement sur les attributions de la supérieure des sœurs et de leur directeur de conscience. Puisqu'un style simple révèle, selon elle, l'humilité religieuse, a contrario, une lettre spirituelle ou hostile troublée signale un manque de perfection dans l'état religieux, comme c'est le cas d'une lettre que, visiblement, lui a adressée Madame de Radoué en septembre ou fin août. Alors, je suis désolée, la date est coupée. Votre lettre me ravit, quoiqu'elle soit remplie de troubles et de peines, mais tout cela s'évanouira si vous devenez humble et obéissante. Courage, ma chère fille, ne soyez plus en peine de vos maux, je vous regarde comme une personne qui souffre et dont on plaint la douleur, mais on est tranquille quand on voit que la maladie est sans aucun péril pour ceux qui s'abandonnent entre les mains de Dieu et qui veulent se laisser conduire par ceux à qui il a donné le pouvoir et la grâce. Autant que vous êtes inquiète et agitée, livrée à vous-même, autant vous verrai-je tranquille et paisible quand vous aurez renoncé à vos faibles lumières et à votre volonté. Le style de la lettre de Madame de Radoué montre à Madame de Maintenon son état troublé. De la même manière, c'est en lisant une future lettre au style simple de la religieuse qu'elle pourra juger son âme tranquille et paisible. En se positionnant dans ses échanges avec les dames de Saint-Louis comme une sommité en matière stylistique, Madame de Maintenon peut alors effectuer un glissement de l'autorité stylistique à l'autorité spirituelle. Il s'agit là, je pense, d'une de ses stratégies, ce n'est pas la seule, pour légitimer ce que Christine Mongenod appelle sa tentation de la direction spirituelle qu'on retrouve dans nombre de ses lettres. Cette tactique est assez représentative de la manière dont elle utilise sa maîtrise de l'écrit pour manipuler à son avantage le rapport de place dans un échange épistolaire. Le rapport de place dans un échange épistolaire permet d'analyser les positions énonciatives des locuteurs dans un échange. Ces positions fonctionnent en système et engagent les identités des intervenants. Je propose de l'étudier dans le cas précis de la correspondance avec Charles-François des Montiers de Mérinville, qui est le petit-neveu de Godet des Marais, qui lui succède à l'évêché de Chartres et également à la fonction de supérieur spirituel de Saint-Cyr en 1709. Alors, outre sa jeunesse, ce qui pose problème à Madame de Maintenon avec ce jeune homme, c'est son austérité. Elle a peur qu'il ne transforme Saint-Cyr après sa mort et qu'il ne mène l'école vers davantage de rigorisme moral. Non, 5-7 minutes. D'accord. Bon. Alors, pourtant, à lire les quelques lettres dont on dispose de Monsieur de Mérinville, on ne penserait pas que leurs échanges étaient tendus, puisque Mérinville se confond en général en politesse et en marque de respect à l'égard de Madame de Maintenon. Cependant, Madame de Maintenon retourne cette politesse contre lui, par exemple dans cette lettre de réprimande qui date de 1716. « Vous ne me montrez que du respect, de la politesse et des cérémonies. Montrez aux autres et à l'extérieur ce que vous voudrez, mais considérez que je suis une des personnes du monde la plus touchée de votre ministère, qui le respecte le plus, et que je serais ravie qu'en particulier vous me disiez à peu près ce que vous me direz à la mort si vous vous y trouvez comme je le désire. » Alors la réprimande ici vise à première vue à établir le rapport de place normal entre un prêtre et son ouaille dans un échange épistolaire, même si Mérinville n'est pas son directeur. Mais tout de même, Madame de Maintenon est une laïque qui réside dans son diocèse à ce moment-là. Dans ce cadre, occuper une position, ici le rôle de la chrétienne soucieuse de son salut pour Madame de Maintenon, c'est corrélativement attribuer à son destinataire une place en adéquation, celle de prêtre qui doit se montrer au-dessus des mondanités, et accompagner son ouaille en toute franchise. Cependant, la stratégie de Madame de Maintenon est un peu plus complexe ici, parce que le but de l'ensemble de la lettre, que je n'ai pas pu citer en entier, est d'amener Mérinville à lui accorder différentes faveurs et de l'enjoindre une nouvelle fois à moins d'austérité. Pour ce faire, elle commence donc sa lettre en lui faisant des reproches, en lui disant qu'il ne tient pas son rôle. Juste après, elle demande à montrer à Mesdames du Pérou et de Glapion des, je cite, « instructions admirables de feu Monsieur de Chartres », disant en somme que dans les textes que lui a adressé Godet des Marais, Godet des Marais remplissait son rôle de prêtre, s'exprimait en prêtre, ce que ne fait pas Mérinville. La juxtaposition des deux paragraphes permet de dresser une comparaison dépréciative de Merinville et de son style épistolaire. Ce n'est qu'après avoir fait cette comparaison dépréciative et lui avoir fait des remontrances qu'elle en vient à sa demande, à sa requête, qu'elle veut faire paraître, non comme le fait d'une mondaine ne pouvant se passer un an dans un couvent sans jouer, mais comme le fait d'une chrétienne sincère qui a besoin d'un léger relâchement. Elle demande donc à Merinville le droit de jouer aux cartes avec certaines des dames de Saint-Cyr. Et au cas où Merinville voudrait quand même se montrer sévère face à cette sollicitation, elle achève la lettre avec une nouvelle comparaison à Godet des Marais, comparaison qui prend l'apparence d'un éloge à première vue. Vos filles, les religieuses de Saint-Cyr, sont très édifiées de votre vertu, contentes de vos instructions et persuadées que vous êtes plus sévère que votre prédécesseur. Sauf que Godet des Marais est un modèle pour Merinville et est un modèle que convoque très souvent Madame de Maintenon. Ici, même si elle prend soin de montrer que les filles de Saint-Louis sont de bonnes religieuses, qu'elles sont prêtes à aller vers davantage de rigueur, le sous-entendu est que Merinville s'est éloigné de son modèle, qu'il se montre trop austère. Donc tout ceci s'inscrit dans la tactique, enfin le dessein de Madame de Maintenon pour éviter que Merinville ne change trop Saint-Cyr après sa mort. Alors, je vais passer plusieurs passages où Madame de Maintenon corrigeait le style de Merinville, notamment en lui indiquant comment écrire à des gens du monde, pour arriver à une dernière citation d'une lettre qu'elle adresse à Madame du Pérou, où on voit la transmission ici d'un style à adopter avec cet évêque. Elle explique la recette, en gros, à Madame du Pérou pour manipuler Merinville. J'approuve fort, ma chère fille, la proposition et les raisons du bon père jacobin. C'est un prêtre qui a proposé de faire des prières du rosaire à Saint-Cyr pour la fête de Notre-Dame du Rosaire. Donc, Madame du Pérou, a priori, est persuadée que c'est une bonne idée. Madame de Maintenon aussi. Elle ne voit pas pourquoi il y aurait de difficultés. Mais, puisque justement il n'y aura pas de difficultés, autant demander la permission à l'évêque. Cette dépendance, dit-elle, sera encore un mérite. Je me souviens fort bien du cas que feu Monsieur de Chartres faisait de ce bon père jacobin. Donc, en somme, faire preuve de soumission dans une occasion tout à fait favorable, il n'y a aucune raison pour que Monsieur de Merinville refuse l'organisation de ses prières. Donc, faire preuve de soumission pour donner de soi une image obéissante et faire référence à Godet des Marais, voilà la recette pour manœuvrer cet homme qui pourrait menacer Saint-Cyr. J'en viens donc à ma conclusion. La maîtrise de l'art de l'écriture par Madame de Maintenon lui offre la possibilité de se construire un éthos de femme de lettres, faisant autorité sur ses correspondants. Prenant un style naturel, simple et en somme attique, qui convient au goût mondain, la marquise éduque les demoiselles de Saint-Cyr, comme nombre de ses correspondants, au bon usage du français. Avec les religieuses, ses conseils s'apparentent à une éducation continue entre femmes qui peuvent ainsi dépasser les limites de leur instruction primaire. Cependant, avec ses correspondants masculins qui ont souvent bénéficié d'un enseignement plus approfondi, les corrections et les amendements suggérés par l'épistolière l'autorisent surtout à marquer son autorité d'arbitre du bon goût. C'est que le style que recherche la marquise correspond à un éthos bien particulier, celui d'une femme noble, se distinguant par une langue juste et intelligente et tirant de cette maîtrise une certaine place dans la société. Mais souligner par l'écriture cet éthos permet aussi à la marquise de construire une autorité paradoxale, parce que féminine et mondaine, à même de s'exercer sur des religieux. En revendiquant comme sien le domaine des usages mondains et des relations sociales dans l'échange, Madame de Maintenon restreint le pouvoir de tel destinataire aux seuls faits religieux et s'arroge ainsi la possibilité de donner son avis sur la religion dans la mesure où elle participe au monde. Alors, miner l'autorité d'un évêque qui ne lui convient pas forcément questionne l'image convenue qu'on a d'une Madame de Maintenon bigote. Ainsi, même si elle reste une chrétienne sincère, elle garde toute sa vie une certaine liberté d'esprit à l'égard du clergé. Elle n'ose ainsi pas dire tout ce qu'elle pense du jeune homme aux différents prêtres à qui elle demande pourtant de le surveiller. Quand elle leur écrit, elle commence toujours par les assurer de son admiration pour, je cite, « la sagesse de ce jeune homme ». Mais elle ne louvoie pas tant avec ses amies, mesdames de Quélus et de Dangeau, avec lesquelles elle se moque franchement de monsieur de Merinville. « Madame de Dangeau me propose de coucher dans le lit de monsieur l'évêque de Chartres. Il ne s'en servirait de sa vie après une telle profanation. » Je vous remercie.